Le progrès. Si l'on avait demandé aux gens, il y a 150 ans, ce qu'ils attendaient du futur, auraient-ils pu s'imaginer la révolution industrielle que nous connaissons de nos jours? Jules Verne? Sûrement. Il a écrit des romans dans lesquels il décrit des inventions que l'on a réalisées au XXe siècle. Notre société se transforme tellement rapidement que l'on devrait de temps en temps se demander si ce que nous faisons est vraiment utile. Prenons quelques exemples. Le 31 décembre 1999, le monde entier pouvait assister à la télévision le passage en direct dans le nouveau siècle. Ceux qui possèdent un téléphone portable peuvent, depuis leur jardin, téléphoner à quelqu'un qui se trouve à l'autre bout du monde. Internet permet à tout le monde à trouver un nombre conséquent d'informations sans que cela ne prenne trop de temps. Nous sommes inondés d'une trop grande quantité d'informations qu'on n'a guère le temps de digérer un peu. N'est-ce pas une situation inquiétante à laquelle nous nous sommes déjà habitués? Ne serait-il pas nécessaire d'y réfléchir sérieusement afin que notre société ne devienne encore plus impersonnelle?